octobre, pour l'achat d'une barquette de 30 boulettes au bœuf, origine France à 7,40€ les 750 grammes, cagnotez 1€ sur ma carte Netto. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 7,40€ à l'unité, prix payé en caisse, soit 9,87€ le kilo. 6,40€ la barquette, avantage carte déduit. Réservé aux porteurs de ma carte Netto. Application Netto France gratuite, sans obligation d'achat. Conditions sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Direct Assurance, économisez en moyenne 250€ sur votre assurance auto. Direct Assurance, bien assuré, direct réglé. Hey, envie de passer à la 5G? Tape le 3227. Oh, c'est pas parce que c'est direct réglé qu'on doit direct changer de pub, hein? Ah, d'accord. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Économie moyenne de 250€ sur la formule tout risque selon étude Ipsos de décembre 2022. Voir détails du sondage et exclusion de garantie sur direct-assurance.fr. À tous ceux qui font la tête quand on oublie leur anniversaire, à ceux qui gardent toutes leurs cartes d'anniversaire, même s'ils ne les reliront jamais, et à ceux qui adorent les surprises et qui disent à chaque fois « Oh, je m'y attendais pas ». Vraiment, hein. Ah non, là c'est... Pour son anniversaire spécial 100 jours pouvoir d'achat, Intermarché offre tous les mercredis 20€ en bon d'achat pour 30€ d'achat sur les produits présents dans le prospectus de la semaine. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 octobre. Utilisable vendredi et samedi de la semaine d'émission des 50€ d'achat. Hors produits exclus, modalité sur intermarché.com. Se retrouver en toute intimité, lumière tamisée. Donner le ton à toutes nos célébrations. La vie prend un nouvel éclat à la lueur d'une lampe Alinéa. En ce moment, profitez de moins 20 à moins 50% sur une sélection de luminaires, meubles et décorations de salon. Alinéa, la maison française. Jusqu'au 27 octobre, voir conditions en magasin et sur alinéa.com. C'est parti! Profitez d'offres incroyables dans tous nos magasins Smith Toys Superstore. Faites d'incroyables économies sur une sélection de figurines, jeux, poupées et bien plus encore. Jusqu'à moins 50% sur vos marques préférées. Jurassic, Barbie, Polly, LOL Surprise, Disney Cars. Alors, dépêchez-vous, les offres sont valables dès maintenant en magasin et sur smithtoys.com. Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer, prenez rendez-vous en 3 minutes sur carglass.fr. Et en ce moment, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre 60€ sur une sélection de produits Karcher. Oui, 60€ offerts. Lave-vitre, aspirateur, nettoyeur vapeur, dégivreur, c'est vous qui choisissez. Avec 60€ offerts, il y a même des produits qui ne vous coûtent rien. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 20 octobre. Faut pas rater ça. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. Mamie, notre liste au Père Noël, elle fait au moins 2 mètres. Ah oui, quand même. Le catalogue Jouet Club est arrivé. Et jusqu'au 29 octobre, 10€ offerts en bon d'achat dès 50€ d'achat en magasin. Offre réservée aux porteurs de la carte magique. Bon d'achat valable du 30 octobre au 5 novembre 2023 inclus sous conditions. Liste des magasins sur jouetclub.fr. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés. Fort de cette singularité, chacun de nous mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir n'est pas seulement une question d'acuité visuelle. C'est une capacité à privilégier ce qui nous unit. Bien entendre nous amène à bien nous entendre. À construire des relations durables qui nous font voir l'avenir avec confiance et optimisme. Ensemble, nous avons fait d'Optical Center une référence de l'optique et de l'audition en France. Ensemble, nous continuerons à bâtir des relations de confiance et de bienveillance afin de construire une humanité plus solidaire, plus à l'écoute, plus en paix, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Chez MacArthur Glen 3 du 20 octobre au 5 novembre, profitez des promotions d'automne avec des remises de folie sur les prix déjà outlet de vos marques préférées. Une remise sur une remise, on adore. Maje, Asics, Levi's, le meilleur de la mode est chez MacArthur Glen 3. Plus d'infos sur MacArthurGlen3.fr. Ouvert 7 jours sur 7. Ikea. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Cassis. Votre radio locale en FM et DAB+. Affiné. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way. But oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. But oh my. Wish I could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Instead, I only wish you the best. Cassis, votre radio locale. Votre radio locale. Arrogant like, yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, center, no chairs. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. I'm holding, I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go on. Sur Cassis avec Wall Street. Street English. Pensez à votre compte personnel de formation. Do you speak English? Yes, I speak Wall Street English. Le numéro 1 français des cours d'anglais pour tous. Vous êtes sur K6 et sur K6FM.com, vous pouvez retrouver tous les bons plans, toutes les suggestions pour les jours prochains. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de manifestations qui se profilent à l'horizon. Il y a toujours beaucoup d'événements, je vous le rappelle, dans le cadre d'Octobre Rose. Il y a également, si vous aimez les arbres miniatures, le Dijon Bonsai Show qui va prendre place, une exhibition qui vous attend au Boulodrome de Dijon. Le rendez-vous est fixé ce week-end, c'est samedi et dimanche, Dijon Bonsai Show. Red Hot Chili Peppers, on écoutera Californication et puis pas une question d'arbre mais des fleurs. Flowers, on écoute Miley Cyrus sur K6. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Hollywood sells Californication. Shake Go. Shake Shake Go en showcase exceptionnel le mercredi 25 octobre à 20h30 au Bamagotchi, cité de la gastronomie à Dijon. Et tout de suite sur Cassis, voici Shake Shake Go, Diamond Eyes, c'est un repérage Cassis. Slow, but I can't keep my heart from what it's owed. Summer rain, Swedish champagne, shine like the stars in the moon. I could stay the rest of my days, wasting forever with you. Vous n'oubliez pas le showcase. Showcase Cassis gratuit avec Arnaud Santamaria, Yuri Quintero et Shake Shake Go. Showcase Cassis gratuit le mercredi 25 octobre au Bamagotchi à Dijon. Le Bamagotchi qui est situé dans la cité de la gastronomie à Dijon, il y a des pizzas à tomber par terre au Bamagotchi. Bah oui, profitez-en. Petite soirée pizza concert, ça peut être bien ça. Shake Shake Go en showcase acoustique à découvrir. Shake Shake Go avec les chansons du nouvel album Double Vision. On applaudira également Arnaud Santamaria. Juste là où le vent se lève. Ou encore Yuri Quintero. Artiste Dijonais, le showcase Cassis gratuit, mercredi 26 octobre prochain, avec en vedette le groupe franco-gallois Shake Shake Go. Venez assister à cet événement. On écoute Soprano Forest sur Cassis. Cours Forest. Forest. Cours. Je résonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette la différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté. Si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être. Moi, Forest, cours, Forest, Forest, Forest. Cassis, votre radio locale. Ah! Grand Dijon Habitat vous propose les bons plans IMO de la semaine. Envie de devenir propriétaire? Grand Dijon Habitat vous propose de découvrir la vente HLM, un bon plan pour devenir propriétaire à Dijon. La vente HLM vous permet d'acheter votre appartement à un prix très attractif, sans frais d'agence et avec des frais notariés réduits. Vous pouvez bénéficier de la garantie de rachat ou de relogement en cas d'accident de la vie et de bien d'autres avantages. Grand Dijon Habitat vous accompagne dans cette démarche. Retrouvez toutes les conditions et plus d'informations sur www.granddijonhabitat.fr. Découvrez chaque semaine les bons plans IMO avec notre partenaire Grand Dijon Habitat, maison, appartement ou garage. Grand Dijon Habitat vous propose des logements à louer ou à vendre dans tout Dijon Métropole. Pour trouver votre futur logement, rendez-vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur granddijonhabitat.fr. Attention, événement Cassis. Le mercredi 25 octobre à 20h30 au Bamagotchi, cité de la gastronomie à Dijon. Showcase exceptionnel avec Shake Shake Go. Première partie, Arnaud Santamaria et l'artiste dijonnais Yuri Quintero. Shake Shake Go, en showcase, c'est gratuit et dans la limite des places disponibles, le mercredi 25 octobre au Bamagotchi, cité de la gastronomie, à Dijon. Gautier. Quand sonne l'heure du déstockage, Gautier ne fait rien à moitié. Vous pensiez qu'il se contenterait de proposer des promotions avantageuses sur du mobilier contemporain? Eh bien non, Gautier vous propose des promotions extrêmement avantageuses sur du très beau mobilier contemporain. Avant de faire peau neuve, votre magasin Gautier liquide toutes ses collections. Jusqu'au 11 novembre, rendez-vous chez Gautier Dijon Quetigny, face à Botanique. Récépissé de liquidation daté du 15 mai 2023. Gautier. Meublé, vivez. Tout commence par un oui. Un seul mot qui peut changer votre vie. Chez 1001 Oui, Sylvie vous accompagne dans le choix de vos alliances et bagues de fiançailles. Rendez-vous personnalisé, 6 place de la Libération à Dijon. Alors dis-moi, quoi de neuf en ce moment chez But? Eh bien en ce moment, le crédit gratuit sur 10 mois. Oui, oui, 10 mois sans frais. Sans frais? C'est génial. Offre valable à partir de 300 euros. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 euros, 10 mensualités de 80 euros. TAEG fixe 0%. Montant total du 800 euros. 1, 2, 3, pare-brise. Un pare-brise fissuré? N'attendez plus. Faites-le remplacer chez 1, 2, 3 pare-brise Marsanais et à Cotigny. En ce moment, on vous offre la franchise ou une Nintendo Switch Lite. Trop cool pour les enfants. N'hésitez pas, rendez-vous sur place ou sur 123parebrise.fr. 123parebrise. La vraie bonne surprise. Carrefour. Si je vous dis bonbons Haribo. Ça c'est parfait pour mes petits monstres d'Halloween. Ah bah y a pas que les enfants qui aiment ça. Oh, maman, il a mangé tous les bonbons. Chérie, tu les caches où les bonbons déjà? Et si je vous dis que pour Halloween, pour deux sachets de 800 grammes de bonbons Megafette Haribo achetés, le troisième est offert. Des bonbons ensemble. Et c'est jusqu'au 29 octobre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous le droit au meilleur. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Refaire le monde et rire aux éclats. Prendre ses aises et du bon temps pour soi. Tous les moments sont doux dans un canapé Alinéa. En ce moment, profitez de moins 20 à moins 50% sur une sélection de canapés, meubles et décorations de salon. Alinéa, la maison française. Jusqu'au 27 octobre, voir conditions en magasin et sur alinéa.com. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, les 5 sont à 1,79€. Les 5 endives? Eh oui, en ce moment chez Lidl, le sachet de 5 endives est à 1,79€. Eh voilà, ils sont encore et toujours moins chers que nous. Mais dis-moi que c'est une blague. Très ben non, 1,79€, c'est le vrai prix, hein. Et des endives origine France, évidemment. Évidemment, comme tu dis. Ben, c'est ce que je dis. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Je te dis que je t'aime! Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. À tous ceux qui ont oublié l'existence de cette chaise dans leur chambre tellement il y a de vêtements dessus. À ceux qui ne savent plus vraiment si le pull qui traîne au sommet de la pile est propre ou sale. Et aux optimistes qui se disent bon, a priori, pour une journée, ça devrait quand même le faire. Hein. Pour son anniversaire spécial 100 jours pouvoir d'achat, Intermarché offre 70% en avantage carte sur le lot de deux lessives liquide original Ariel, soit seulement 5,25€ avantage carte déduit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 octobre, 17,50€ prix payé, 2 fois 1080 ml, soit 8,10€ le litre. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes gratuitement tous les ans. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes. Que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes gratuitement tous les ans chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical, conditions en magasin, offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. Mamie, notre liste au Père Noël, elle fait au moins 2 mètres. Ah oui, quand même. Le catalogue Jouet Club est arrivé. Et jusqu'au 29 octobre, 10 euros offerts en bon d'achat dès 50 euros d'achat en magasin. Jouet Club. Offre réservée aux porteurs de la carte magique. Bon d'achat valable du 30 octobre au 5 novembre 2023 inclus sous condition. Liste des magasins sur jouetclub.fr. En ce moment chez Jiffy, la collection Toussaint est arrivée. Plaques, compositions florales, fleurs artificielles, bougies pour immortaliser les moments heureux. Le coussin chrysanthème à 4,99 euros et le piquet de pensée à 69 centimes. Oui, 69 centimes. Le plaisir de se souvenir avec Jiffy. Jiffy des étés de génie. Grand frais. Bonjour, ici la conservatrice du musée. Demain, c'est la livraison de l'inestimable sarcophage de Toutankhamon. Mais je ne peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des poires françaises super juteuses. Je sens d'ici leur parfum. Mais laissez-le devant la porte, je le rentrerai en arrivant. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à vendredi, les poires conférences Origine France sont à 1,99 euros le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Catégorie 1, calibre 60-65 mm. Cassis. Votre radio locale en FM et DAB+. À Hauteville-lès-Dijon. So cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on feverly. Help me, die to heal my pain. 'Cause I don't really want no Mary Jane. Oh la la la, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul. We'll keep it simple. Ooh, doctor. Ooh, we'll keep it simple. Ooh, you're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby. Emmurer nos émotions. Ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier. Oh là là là, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. Keep it simple. Simple. You're the only medicine I've been taking. But keep it simple, baby. Dis quand on aime, si le dire est un problème, on ne vit qu'à côté de sa vie. Keep it simple. Keep it simple, baby. Again. Keep it simple, baby. La crème. crème de Cassis. Des chansons sorties de derrière les fagots. Gros succès. Gros bide. Gros standard. Peu importe. Le tout est de vous surprendre. Alors montez le son, la crème de Cassis. C'est maintenant sur Cassis. C'est maintenant sur Cassis. Yaga yaga yé. Crème de Cassis avec Jean de Mathieu. Un intérieur à votre image. 1 000 euros la plaque induction AEG avec hôte intégrée grande largeur pour l'achat d'une cuisine Jean de Mathieu. 1 000 euros seulement. Jean de Mathieu. Le luxe n'est pas un privilège. Bon, alors, récapitulons. Il est là, il est prêt et il est très, très, très impatient de vous accompagner, de vous informer, de vous offrir des cadeaux, de vous divertir aussi un petit peu au passage. C'est Valentin qui va prendre place. Moi, c'est JM et je reviens demain. Voilà, parce qu'on change pas nos bonnes habitudes. Je reviens à vos côtés une nouvelle fois à partir de 13h. On fera un bout de chemin en après-midi. Et on va se quitter avec un des morceaux les plus cool du moment et parmi les plus incontournables. David Kushner, la chanson s'appelle Daylight. En Bourgogne-Franche-Comté, Cassis vous accompagne. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, belle soirée et soyez heureux. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. From the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare? If I'm down on my knees again, deep down, way down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. C'est le mois de la rénovation de salle de bain avec Vernet et au fil du bain. Laissez-vous guider vers nos bonnes affaires et notre savoir-faire dans notre salle d'exposition, 28 rue de Mayence à Dijon. Vernet au fil du bain vous donne l'heure. Merci d'avoir choisi Cassis avec Imagine Dragon dans les prochaines minutes. Et voici l'info comme chaque soir. Il est 17h. Cassis Info. Bonsoir à tous. Les États-Unis, premier allié d'Israël, en déplacement à Tel Aviv. Le président américain Joe Biden a annoncé ce soir des mesures inédites pour soutenir l'État hébreu 11 jours après l'attaque du Hamas. Il a notamment promis le déploiement de forces américaines dans la région pour empêcher toute nouvelle agression. Fin de citation. Selon Joe Biden, Israël a également approuvé l'entrée d'une aide humanitaire à Gaza au plus vite. Dans la bande de Gaza, justement, la situation est catastrophique. Plus d'un million de Palestiniens ont fui le nord du territoire sur ordre de l'armée israélienne qui prépare une offensive terrestre d'ampleur. Désormais surpeuplée, le sud de l'enclave est en train de plonger dans une crise humanitaire sans précédent, notamment en raison du manque d'eau potable. Gaza, où plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans la destruction d'un hôpital hier soir. Le Hamas accuse Israël d'être à l'origine de cette frappe meurtrière. De son côté, l'État hébreu dément fermement et rejette la responsabilité sur le djihad islamique, une autre organisation armée à Gaza. Dans le reste de l'actualité, elle est libre, retenue depuis 2019 en Iran. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a retrouvé la France hier. Confirmation ce soir de son comité de soutien et de l'Institut d'études politiques de Paris où elle travaillait. L'anthropologue était poursuivie et détenue à Téhéran pour atteinte à la sûreté nationale et propagande contre le système politique de la République islamique. Lille, Bordeaux, Toulouse ou encore Nantes, une dizaine d'aéroports ont été évacués quelques heures aujourd'hui après des alertes à la bombe ou ou des colis suspects. À conséquence, le trafic aérien était très perturbé avec de nombreux retards et des vols annulés le temps des vérifications. Et puis attention aux pluies et aux rafales de vent dans le sud-est. 4 départements sont toujours placés ce soir en alerte orange. L'Hérault, le Gard, la Drôme et l'Ardèche en raison d'un épisode Cévenol. Le phénomène devrait s'intensifier dans la soirée et durer jusqu'à demain, selon Météo France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon début de soirée à tous. Cassis FM, info. Restez au fait de l'actualité bien au chaud grâce aux fenêtres et portes de Proginov Menuiserie, la nouvelle référence en menuiserie dans votre région. Découvrez nos showrooms à Fauvernet, Auxerre et Langres et laissez-vous inspirer. Proginov, la qualité à votre mesure. Et on souhaite bon rétablissement à notre journaliste Charles Perrin-Sonnette qui a eu un accident. Il s'est cassé la margolette ce midi au niveau de la place de la République. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver avec nous en direct à partir de lundi sur Cassis. Allez, voici les conditions de circulation tout de suite. L'entrepôt du bricolage à Fontaine-lès-Dijon vous présente l'infotrafic. Et comme notre super trafic n'est pas là, c'est Valou, votre super trafic. Allez, on nous signale des ralentissements sur la rocade entre la bretelle 40 et le 41 dans le sens nord-sud. Toujours des ralentissements au niveau de la place Wilson, surtout qu'on vient de la rue Charles Dumont à Dijon. On a toujours des bouchons au niveau de la rue d'Auxonne. On nous signale également un accident sur la rue de l'Arquebuse. Et puis n'oubliez pas également que la Lino sera fermée tous les soirs de 21h à 6h jusqu'à vendredi entre Plombières et Talents. 03 80 66 10 50 Cassis Infotrafic. Merci d'avoir choisi Cassis, votre radio locale. On continue de vous accompagner jusqu'à 20h en direct avec plein de cadeaux et vos hits préférés. Joan Osborne, encore Imagine Dragon tout de suite. 21 years, she figured it out. She started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. Was feeling like the prime of her life. All of that is just a dream. It's driving through the prime of your life. Took your freedom. There's no reason. Just keep breathing. Time doesn't hear if you ask it to wait. La la la la la la la la la. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. The future, I'd rather be here thinking about the now. Cause this breath could fade fast, and this day could be your last. give you had just one question. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. If God had a face, what would it look like? And would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. Sur Cassis avec Valentin. Dans une semaine, tout pile, il y aura le showcase Cassis gratuit avec le groupe Shake Shake Go. Franchement, on a hâte parce que ça sera le mercredi 25 octobre à partir de 20h30 au Bamagotchi à la Cité de la Gastronomie. Vous allez pouvoir entendre le groupe Shake Shake Go, cette musique. Arnaud Santa Maria ou encore le Dijonais Yuri Quintero. Donc soyez nombreux et soyez présents le mercredi prochain. Toutes les infos à retrouver aussi sur notre site internet cassisfm.com. Et ce soir, je vais aussi continuer à vous offrir vos places pour aller voir Mentissa. Elle sera au Cèdre de Chenôvre. Ça sera le samedi 18 novembre à partir de 20h30. On gagne ces invitations ce soir avant 20h sur Cassis. Dans les prochaines minutes, je vous ai calé ça. Et ça, c'est Karol G avec Nicki Minaj dans moins de 30 secondes. À tout de suite sur Cassis, votre radio locale. C'est l'histoire de Léo, qui a décidé de créer son entreprise de vêtements de sport fabriqués à partir de matériaux recyclés. C'est aussi l'histoire de Maxime, conseiller Banque Populaire, qui a cru en son projet et l'a accompagné depuis le début. Ensuite, c'est devenu l'histoire de centaines de sportifs qui, au-delà de leur passion, font un geste responsable pour l'environnement en s'équipant chez Léo. En accompagnant la réussite de plus d'un million de clients entrepreneurs, Banque Populaire porte bien son nom. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium de Paris 2024. contigo. Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. No, pero si le ponen la canción. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzón, será porque con otra está. Seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente. Pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada. Su ex ya no vale nada. Sale para la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba. Y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Queen. C'est vrai que chaque soir, on se dit quelle sera la station-service la moins chère à Dijon. Bah, réponse tout de suite avec Fabrice Aubry. Passe en plus, location de box vous donne le meilleur prix de l'essence. Eh oui, vous nous écoutez peut-être en ce moment en voiture, vous voyez la jauge d'essence qui descend progressivement. Alors si vous avez besoin de faire le plein aujourd'hui, s'il vous faut du samplon 95, vous en trouverez par exemple pour 1,77€ le litre à la station service du Leclerc de Marsanne et la Côte, 1,78€ le litre cette fois-ci à la pompe du Carrefour Market de Nuit-Saint-Georges. Et puis le gasoil, il est proposé par exemple ce mercredi à 1,83€ le litre à la station-service du géant casino de Chenauve. Espace en plus, location de box et archivage à Saint-Apollinaire. Espace en plus, votre box à louer de 1 à 21 mètres carrés. Espace en plus, votre box sous alarme et vidéosurveillance avec gardien. Espace en plus, à Saint-Apollinaire, Cap Nord, 0380 285 285. Bon mercredi à l'écoute de Cassis, votre radio locale qui vous accompagne partout, en voiture, chez vous ou même peut-être à vélo. La nuit est chaude. Bon, pour l'instant, la nuit n'est pas chaude, il fait un peu plus frais que d'habitude. Les avions, nuit sauvage, juste après ça sur Cassis. Gauthier. Quand sonne l'heure du déstockage, Gauthier ne fait rien à moitié. Vous pensiez qu'il se contenterait de proposer des promotions avantageuses sur du mobilier contemporain? Eh bien non, Gauthier vous propose des promotions extrêmement avantageuses sur du très beau mobilier contemporain. Avant de faire peau neuve, votre magasin Gauthier liquide toutes ses collections. Jusqu'au 11 novembre, rendez-vous chez Gauthier Dijon, Quetigny, face à Botanique. Récépissé de liquidation daté du 15 mai 2023. Gauthier, meublé, vivez. Toyota. Ça rentre pas cette offre. Mais si. À la disponibilité rapide, non plus. Allez, vas-y, pousse plus fort. Ouah, t'es marrant. C'est fou ce que Toyota Professional a fait entrer dans son mois profitable. Du 20 septembre au 31 octobre, le Pro S-City est à partir de 155€ hors taxes par mois et disponible rapidement. Bah voilà. Toyota. Pro S-City actif sans condition de reprise en LLD 60 mois 100 000 km. Premier loyer 5 590€ hors taxes, réservé aux professionnels dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 31 octobre. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Mais où peut-on trouver du café Lavazza en promo? Ah, moins fort, il est 14h. Quoi? Déjà 14h? Bon, un café déjà, ça vous fera pas de mal. Alors rendez-vous dans votre magasin U sur coursu.com jusqu'au 22 octobre pour bénéficier de 30% de remise immédiate sur le lot de 2 paquets de café moulu Lavazza, soit 4,33€ le lot au lieu de 6,19€. Et pour cet achat, obtenez un jeton pour participer à notre grand jeu. U, commerçant autrement. Lot de 2, soit 500 grammes, 8,66€ le kilo, variété au choix. Point retrait jusqu'au 22 octobre selon l'ouverture de votre magasin. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Fabriquée au cœur de la Bourgogne avec des graines 100% françaises, la moutarde d'automne Reine de Dijon rehausse vos recettes de saison. Retrouvez cette moutarde aux couleurs de l'automne en édition limitée dès maintenant en magasin et sur reinedijon.fr. Vous êtes en recherche d'un emploi? Vous recrutez dans le secteur industriel? Rencontrez-vous grâce au GEC Industrie 21. Le GEC Industrie 21 met en relation entreprises et candidats. Nous vous proposons des formations certifiantes en usinage, maintenance, conduite de ligne, assemblage, montage. Plus d'infos sur iimm21.fr. Ma mutuelle s'appelle Radiance. Bien assurée, bien protégée, prix ajusté, bien remboursé. J'ai le sourire toute l'année, ouais. Souriez pour les pros et les entreprises. Changez facilement de mutuelle. Radiance s'occupe de tout. Radiance est une mutuelle du groupe Malakoff Humanis. Radiance Mutuelle, on aime vous voir sourire. Conditions sur radiance.fr. Parce que faire des économies, c'est important toute l'année, les hyper bons plans chez Cora, c'est toute l'année aussi. Et ce n'est pas cette semaine qu'on va faire exception. Par exemple, du 17 au 23 octobre, vous bénéficiez de moins 50% sur le deuxième produit de la gamme Volvic. Rendez-vous en magasin pour en profiter. Offre valable sur les moins chers des deux, hors format promo, voire conditions sur Cora.fr. Pour votre santé, bougez plus. Cora, c'est incroyable, l'hyper proximité. Noroto. Bah alors papa, t'en fais une tête? Bah ouais, faut que je change mes pneus. Va chez Noroto, ils remboursent jusqu'à 120€. Jusqu'à 120€ remboursés? Ah, je vois le sourire qui revient. 120€. Jusqu'au 26 novembre chez Noroto, jusqu'à 120€. Oui, 120€ remboursés pour l'achat et le montage de pneus Michelin. Kilomètre après kilomètre, Noroto fait aussi avancer les automobilistes. Conditions en centre ou sur noroto.fr. Carrefour. Si je vous dis Barbie. J'en ai demandé une au Père Noël. Et si je vous dis que pour Noël, il y a des jouets à prix extra, comme par exemple 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur tous les jouets Barbie. Et elle est toujours avec Ken, Barbie? Et c'est jusqu'au 30 octobre dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Dès 3 ans, détaillez magasins participants sur carrefour.fr. Un problème sur votre pare-brise? Chez Carglass, on a LA solution. Sur carglass.fr, en 3 minutes, vous avez votre rendez-vous. Et vous pouvez le faire là, maintenant, juste après vous être garé. Il n'y a pas plus facile. En plus, en ce moment, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre 60€ sur une sélection de produits Karcher. Oui, 60€ offerts. Alors dépêchez-vous, c'est jusqu'au 20 octobre. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Grand frais. Oui, bonjour, je devais arbitrer la demi-finale de la Coupe du Monde, mais je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont du boudin noir, nature, aux pommes ou aux châtaignes. J'en ai déjà l'eau à la bouche, moi. Mais je jetterai un coup d'œil sur le match de Pimentel. Puis si je vois une faute, ben je vous appelle, hein. On fait ça. Chez Grand frais, jusqu'à samedi, le boudin noir est à 8,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Élaboré en France à partir de porc origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Ben oui, tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on pourra compter sur Point S. Jusqu'au 18 novembre chez Point S, jusqu'à 150€ remboursés pour l'achat de pneus Continental et une Suzuki Swift hybride à gagner. Pas de stress, il y a Point S. Conditions sur points.fr. Tiens papounet. C'est quoi ça ma chérie? Bah c'est un gâteau. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à un gâteau. Tu ne manges pas? Si, si, si. J'ai mis tout ce que j'ai trouvé. Ça se sent. Donnez vos gamètes, vous ferez des heureux. En donnant vos spermatozoïdes ou vos ovocytes, vous offrez à d'autres le bonheur d'être parents. C'est une très bonne idée, le chocolat et la moutarde ensemble. Tu trouves?

Crème de Cassis avec Jean Demathieu. Un intérieur à votre image. 1000 euros la plaque induction AEG avec cote intégrée grande largeur pour l'achat d'une cuisine Jean Demathieu. 1000 euros seulement. Jean Demathieu. Le luxe n'est pas un privilège. On va retrouver vos idées sorties de ce week-end dans quelques instants, mais d'ici là, on fait un point sur les routes avec vos conditions de circulation. L'entrepôt du bricolage à Fontaine-lès-Dijon vous présente l'infotrafic. Et c'est compliqué ce soir sur les routes avec beaucoup de ralentissements entre la Toison d'Or et Saint-Apollinaire sur la fameuse rocade dans le sens nord-sud. On nous signale également des gros ralentissements sur l'avenue Raymond Poincaré, des ralentissements signalés sur l'avenue Jean Jaurès ou encore la rue de Vosges. Et puis faites donc très attention. Ce soir, vous repérez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler au standard de Cassis, un seul numéro. 03 80 66 10 50. Cassis Infotrafic. 17h passé de 31 minutes à l'écoute de Cassis, votre radio locale. Dans quelques instants, Chalamar. Mais juste avant, voici les idées sorties de ce week-end. Sortir en Côte d'Or avec ce d'hiver, spécialiste miroiterie à Dijon depuis 1965. Rendez-vous ce samedi 21 octobre à partir de 14h à Is-sur-Tille pour une animation truffière. Au programme, vous allez pouvoir découvrir l'écosystème de la truffe et de son fonctionnement. L'entrée sera bien sûr gratuite. L'association Loisirs et Détente organise une bourse aux jouets. Ça aura lieu ce dimanche de 9h à 18h à l'Agora de Genlis. L'occasion pour vous de préparer les jouets pour Noël. L'entrée est bien sûr gratuite. Si vous aussi vous souhaitez partager votre événement gratuitement sur l'antenne de Cassis, c'est réservé uniquement aux associations. Vous pouvez le faire dès maintenant sur cassisfm.com dans la rubrique agenda. Pour les autres, vous pouvez contacter la régie pub de Cassis également via le formulaire sur notre site internet cassisfm.com. C'était sortir en Côte d'Or avec Saut d'Hiver. Crédence de cuisine, pare-douche, porte coulissante, fenêtre. Saut d'Hiver, le verre s'invite chez vous. Saut d'Hiver, 26 rue de Mayence à Dijon et sur sautdhiver.fr. On continue l'après-midi Cassis ensemble en direct jusqu'à 20h avec Louane, pardonne-moi dans quelques instants. Mais juste avant, on va retrouver un très très bon classique. Voici le groupe Chalamar, retour en 1982 avec A Night to Remember. Bon début de soirée à l'écoute de Cassis, il est 17h passé de 33 minutes. 6. Votre radio locale. Votre radio locale. Il est 8h du soir et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, y'a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me parles. J'ai pas gâché la fête. J'sais pas, j'cris sans réfléchir. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais j'recommence encore. C'est ce que j'ai sous la peau. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Sortie des bureaux, c'est Valentin sur Cassis. Il est temps pour moi de vous offrir vos deux invitations pour aller applaudir la chanteuse Mentissa. Et bam, on vous offre deux invitations maintenant pour aller l'applaudir au Cèdre de Chenôve. Ce sera le samedi 18 novembre à partir de 20h30. Vous avez envie de gagner vos deux invitations. C'est maintenant qu'il faut m'appeler au standard de Cassis. 03 80 66 10 50 03 80 66 10 50. Pour la musique, on vous accompagne avec les meilleurs classiques. Voici Matt Simons. There's a place I go to when no one knows me. It's not long. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da-dum-dum. Da-dum-dum-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. that on you. Life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum. C'est vrai qu'on a eu le retour de la pluie cet après-midi, mais quel temps fera-t-il demain? Réponse tout de suite sur K6. Il y a toujours un rayon de soleil avec Reine de Dijon. Reine de Dijon vous offre la météo. K6 Météo avec Valentin. Pour aujourd'hui, nous avons eu un temps couvert du matin au soir avec de la pluie en après-midi. Pour demain, on attend des éclaircies en matinée avec 15 degrés avant de retrouver 17 degrés en après-midi avec des averses qu'on attendra du côté de Magny-sur-Quille, Fontaine-lès-Dijon ou encore Chenôve. So I'm dancing with my eyes closed. Dans quelques instants, l'actu, il y aura aussi peut-être un ou une gagnante pour les deux invitations pour aller voir Mentissa. Mais pour la musique, voici Ed Sheeran, Eyes Closed, juste après ça. Nathalie Broussard, directrice de la communication scientifique chez Seido, nous partage la dernière innovation anti-âge. Le concentré nuit Vital Perfection, il est issu des dernières découvertes de chez Seido sur le relâchement de la peau et aussi sur sa régénération nocturne. Et ce soin va agir pendant votre sommeil pour une peau qui va être plus raffermie et des contours redessinés. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez d'un coffret anti-âge d'une valeur de 50 euros offert pour 120 euros d'achat dans la marque chez Seido. Offre soumise à conditions, conditions de l'offre sur shiseido.fr et dans les magasins participants dans les limites des stocks disponibles. Chez Seido, depuis 150 ans, engagé au service de votre beauté. IKEA. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre avec la carte gratuite IKEA Family. La housse de couette et les deux thés Bergamlock sont à 25 euros au lieu de 35. Conditions sur IKEA.fr. Mais U, peut-on trouver des produits pour bébés qui font cagnoter 20% sur la carte U? Oh là là, 20%, t'as entendu mon chéri? Maman, j'ai 14 ans. Bah et alors? Et c'est tous les mercredis. Alors rendez-vous dans votre magasin U et sur courseU.com tous les mercredis pour bénéficier de 20% en Eurocarte U sur le rayon bébé, soins, hygiène et alimentation. U, commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U pour un retrait le mercredi sur les produits d'alimentation, soins et d'hygiène bébé. Or, les premiers et deuxième âges non cumulables avec les promotions en cours. Voir conditions et liste des magasins participants sur magasin-u.com. Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, viticulteur ou chef d'entreprise, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté vous accompagne dans votre activité avec des offres adaptées à vos besoins. Découvrez nos solutions clés en main de financement, assurance et encaissement pour vous développer. Retrouvez nos agences Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté près de chez vous. Chérie, on a raté le salon du véhicule de loisirs de Villepinte. T'inquiète pas, les offres viennent à nous. Du 14 au 22 octobre, la concession DG8 Camping Car 21 organise des journées portes ouvertes et prolonge les offres du salon du VDL de Villepinte dans sa concession. Camping Car, van et fourgon aménagés, neufs et d'occasion. Des prix de salon près de chez nous et ils ouvrent dimanche 22 octobre. Concession DG8 Camping Car 21 à Chenôve, près de Dijon. Pensez à covoiturer. Monsieur Martin, pourquoi avoir migré votre entreprise vers la casse-suite d'Infomaniac? K-Suite est pensée pour la collaboration en équipe. Elle intègre une messagerie, un drive, un chat et tout ce qu'il nous faut. K-Suite, la solution collaborative éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. Netto, on gagne tous à payer moins cher.

Bonne émission sur Cassis avec Wall Street English. Pensez à votre compte personnel de formation. Do you speak English? Yes, I speak Wall Street English. Le numéro 1 français des cours d'anglais pour tous. Les fins d'après-midi et début de soirée, c'est avec Valentin sur Cassis. Ouais, j'espère que tout va bien ce soir. Vous êtes à l'écoute de Cassis, votre radio locale. Et je suis accompagné de Dominique. Bonjour Dominique, bienvenue sur Cassis. Bonjour. Bon, Dominique, elle a la forme? Ah oui, j'ai la forme, oui. Ouais, mais vous savez pourquoi? Je vous appelle. Parce que j'ai joué. Oui, vous avez joué pour gagner vos deux invitations pour aller voir Mentissa. Mentissa, c'est ça, écoutez. Mamie, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc, deux invitations. Vous m'avez dit que vous avez envie de partager ce magnifique moment avec votre petite fille, c'est ça? C'est ça, exactement. Elle s'appelle comment? Elle est super contente. Elle s'appelle Luna. Eh ben, magnifique prénom. Voilà, Luna et Dominique pourront aller applaudir la fameuse chanteuse Mentissa. Elle sera là le samedi 18 novembre à partir de 20h30. Donc, j'ai envie de vous dire bon concert. Eh ben, je vous remercie beaucoup. C'est bon, super. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de la soirée? Bon, par la suite, il pleut, c'est bien, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de pluie, donc il faut que ça continue un peu. Bon, ça continue encore. Merci, voilà. Belle soirée, à très vite. Chenauve, depuis 20 ans à vos côtés. Un showroom, un service livraison, une équipe de spécialistes du lundi au samedi. Comptez sur nos équipes pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets. Dalmo Chenauve vous donne l'heure. Merci d'avoir choisi Cassis, votre radio locale avec l'actu. Et dans quelques instants, Métro Bomine avec The Weeknd. Il est 18h. Cassis Info. Bonsoir à tous. Toujours pas de bilan officiel après l'attaque d'un hôpital à Gaza hier soir. On parle de centaines de morts. Indignation de la communauté internationale. Emmanuel Macron s'est dit aujourd'hui profondément choqué. Émotion également du comité international de la Croix-Rouge qui rappelle que ce bombardement est contraire au droit international. Un drame qui s'ajoute à une situation déjà catastrophique sur place, comme l'explique Lucille Marbeau, porte-parole du CICR en France. Au-delà des patients et des médecins, de tout le personnel médical, il y a de plus en plus de déplacés qui vont prendre refuge dans les hôpitaux parce qu'ils pensent justement que c'est un lieu où ils seront en sécurité. Et nos collègues secouristes n'ont pas les garanties sécuritaires pour pouvoir faire leur travail et donc porter secours aux blessés. On déplore la semaine dernière plusieurs morts de secouristes du Croissant Rouge palestinien et de blessés. Et ce fut également le cas du Magen David Adom, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Il est urgent que de ce point de vue-là, il y ait le respect du droit international humanitaire s'agissant des infrastructures sanitaires comme du personnel médical qui doit pouvoir faire son travail. Et on ne connaît toujours pas à l'origine de cette attaque sanglante qui a frappé cet hôpital hier soir à Gaza. Le Hamas accuse Israël. L'État hébreu dément fermement et rejette la responsabilité sur le djihad islamique, une autre organisation armée à Gaza. De son côté, Joe Biden a apporté ce soir son soutien à Israël 11 jours après l'attaque du Hamas. En déplacement à Tel Aviv, le président américain a annoncé des mesures inédites. Il a notamment promis le déploiement de forces américaines dans la région. Joe Biden qui a également indiqué que le gouvernement israélien autorisait l'entrée d'une aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Dans le reste de l'actualité en France, 357 perturbations et contestations dans les établissements scolaires ont été recensées lors des hommages lundi au professeur Dominique Bernard, tué à Arras vendredi dernier. Chiffre communiqué par le ministère de l'Éducation, c'est deux fois plus que celui qui avait été avancé hier. Les obsèques de l'enseignant auront lieu demain matin, cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Et puis Lille, Bordeaux, Toulouse ou encore Nantes, une dizaine d'aéroports ont été évacués quelques heures aujourd'hui après des alertes à la bombe ou des colis suspects. Conséquence, le trafic aérien a été très perturbé. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée à tous. Cassis FM, info. Restez au fait de l'actualité bien au chaud grâce aux fenêtres et portes de Proginov Menuiserie, la nouvelle référence en menuiserie dans votre région. Découvrez nos showrooms à Vauvernais, Auxerre et Langres et laissez-vous inspirer. Proginov, là. Qualité à votre mesure. Comme je le disais à 17h sur Cassis, oui, il y en a notre journaliste Charles Perrin-Sonnette qui s'est cassé la margoulette cet après-midi sur la place de la République en espérant qu'il aille mieux. Normalement, il va être en forme et il sera avec nous à partir de lundi entre 17h et 20h. Vous inquiétez pas. D'ici là, on fait un point sur vos conditions de circulation. C'est en direct sur Cassis. L'entrepôt du bricolage à Fontaine-lès-Dijon vous présente l'infotrafic. Et c'est compliqué, c'est vrai, sur les routes de Dijon et sa métropole avec des ralentissements sur le boulevard Carnot. On nous signale également des ralentissements sur la rue de Vosges. Ça ralentit sur la fameuse rocade de la Toison d'Or. Entre Toison d'Or et Saint-Apollinaire, descendent même jusqu'à Quétigny. On nous signale également des ralentissements sur la rue de Grès, des ralentissements sur l'avenue Stalingrad sur le nord de Dijon. Et puis on nous signale également des ralentissements vers le collège et lycée Montchapet. Vous repérez quoi que ce soit, vous nous appelez au standard de Cassis. 03 80 66 10 50 Cassis Infotrafic. Merci d'avoir choisi Cassis, votre radio locale, avec Yannick Noah dans quelques instants pour la crème de Cassis. Mais juste avant, voici un trio que vous adorez, Metro Boomin, The Weeknd et 21 Savage. Voici Creepin. Said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. the love, 'cause my heart can't take it anymore. And if you creep in, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you creep in, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. L'histoire de la musique. Les plus grands standards du rock. De la pop. De la variété. Cool. Mais aussi les chansons oubliées. Et les nanars qui nous ont fait marrer. C'est la crème de Cassis. Et c'est maintenant sur Cassis. Alors montez le son et laissez-vous surprendre. Et laissez-vous surprendre. Tu es venu ce matin. À l'heure où la nuit meurt, tu es venu de si loin, d'où la mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie, même veste et même chapeau. Le Noah de fer africain. Oui, je sais que tu vis en moi. Simon Papatara. Oui, je sais que tu es en moi. Noah Dikie Noah. Tu sais, grand-père, ici, ne crois pas à ces choses-là. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu es venu ce matin. Tu es la mort sans chagrin, l'ancêtre des Noah. Un éclair a tout dit, comme un soir de juin. Tu es venu ce matin, le Noah de fer africain. En moi, Simon Papatara. Oui, je sais que tu es en moi. Noah Dikie Noah. Tu sais, grand-père, ici, ne crois pas à ces choses-là. De Cassis avec Jean de Mathieu. Un intérieur à votre image. 1000 euros la plaque induction AEG avec haute intégrée grande largeur pour l'achat d'une cuisine Jean de Mathieu. 1000 euros seulement. Jean de Mathieu. Le luxe n'est pas un privilège. C'est Valentin sur Cassis. Et ce soir, nous allons parler de basket car la JDA va affronter l'Élan de Chalon. Ça sera ce samedi à partir de 16h au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy. Vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez acheter directement vos places sur jdadijon.com dans la billetterie, ou alors vous pouvez tenter votre chance et de gagner dès maintenant vos deux invitations grâce à l'application Cassis, disponible sur Play Store ou Apple Store dans la rubrique jeu concours. Tirage au sort à tout moment, alors bonne chance. On continue l'après-midi ensemble avec Angèle, voici Libre sur Cassis. Libre, me voilà, c'est ma voix, là, la suite en musique, sur scène en coulisses. Libre, me voilà, mais sans toi, là, la suite en roue libre, tout en équilibre. C'est votre radio locale avec tout de suite les stations-service les moins chères près de chez vous. Espace en plus, location de box vous donne le meilleur prix de l'essence. Eh oui, vous nous écoutez peut-être en ce moment en voiture, vous voyez la jauge d'essence qui descend progressivement. Alors si vous avez besoin de faire le plein aujourd'hui, s'il vous faut du sans-plomb 95, vous en trouverez par exemple pour 1,77€ le litre à la station service du Leclerc de Marsanne et la Côte, 1,78€ le litre cette fois-ci à la pompe du Carrefour Market de Nuit-Saint-Georges. Et puis le gasoil, il est proposé par exemple ce mercredi à 1,83€ le litre à la station-service du Géant Casino de Chenauve. Espace en plus, location de box et archivage à Saint-Apollinaire. Espace en plus, votre box à louer de 1 à 21 mètres carrés. Espace en plus, votre box sous alarme et vidéosurveillance avec gardien. Espace en plus, à Saint-Apollinaire, Cap Nord, 03 80 285 285. I've made some real big. Vous êtes à l'écoute de Cassis, qui est votre radio locale, qui vous accompagne ce soir en direct avec Bruce Springsteen ou encore Olivia Rodrigo, c'est Vampire qu'on écoute juste après ça. Restez avec nous sur Cassis. Inspiré des dernières découvertes de Shiseido sur le relâchement de la peau et sa régénération nocturne, le concentré Nuit Vitale Perfection est un véritable soin révolutionnaire. Il agit pendant votre sommeil pour une peau raffermie et des contours redessinés. En ce moment et jusqu'au 29 octobre, bénéficiez d'un coffret anti-âge d'une valeur de 50 euros offert pour 120 euros d'achat dans la marque Shiseido. Offre soumise à conditions, conditions de l'offre sur shiseido.fr et dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Shiseido, depuis 150 ans engagé au service de votre beauté. Il était une fois, une jeune femme désirant honorer ses proches le jour de la Toussaint, et ce, de la plus belle des façons. Elle choisit alors les chrysanthèmes à 3,99€ chez Aldi. Elle hésita entre les jaunes et les roses, mais prit finalement les deux, pour leur rendre le plus beau des hommages. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Dès samedi chez Aldi, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, viticulteur ou chef d'entreprise, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté vous accompagne dans votre activité avec des offres adaptées à vos besoins. Découvrez nos solutions clés en main de financement, assurance et encaissement pour vous développer. Retrouvez nos agences Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté près de chez vous. Fabriquée au cœur de la Bourgogne avec des graines 100% françaises, la moutarde d'automne Reine de Dijon rehausse vos recettes de saison. Retrouvez cette moutarde aux couleurs de l'automne en édition limitée dès maintenant en magasin et sur reinededijon.fr. Ma mutuelle, sa belle radiance, bien assurée, bien protégée, prix ajusté, bien remboursé. J'ai le sourire toute l'année, ouais. Souriez ? En ce moment, jusqu'à 4 mois à moins 50% sur votre mutuelle santé. Conditions dans votre agence ou sur radiance.fr. Radiance Mutuelle, on aime vous voir sourire. Chérie, on a raté le salon du véhicule de loisirs de Villepinte. T'inquiète pas, les offres viennent à nous. Du 14 au 22 octobre, la concession DG8 Camping Car 21 organise des journées portes ouvertes et prolonge les offres du salon du VDL de Villepinte dans sa concession. Camping Car, van et fourgon aménagés, neufs et d'occasion. Des prix de salon près de chez nous et ils ouvrent dimanche 22 octobre. Concession DG8 Camping Car 21 à Chenauve, près de Dijon. Pensez à covoiturer. C'est le moment des plantations. Chez Ma Jardinerie, nos arbustes de haies sont à partir de 4,99€ pièce. Et pour 5 achetés, vous ne paierez que 3,74€ l'unité. Chez Ma Jardinerie, plus vous en prenez, plus vous y gagnez. Notre catalogue promotionnel d'automne est disponible sur majardinerie.com. Magasin ouvert le dimanche et jour férié, sauf Alsace. Ma Vous êtes en recherche d'un emploi ? Vous recrutez dans le secteur industriel ? Rencontrez-vous grâce au GEC Industrie 21. Le GEC Industrie 21 met en relation entreprises et candidats. Nous vous proposons des formations certifiantes en usinage, maintenance, conduite de ligne, assemblage, montage. Plus d'infos sur iimm21.fr. Le Petit Bourguignon, un café respectueux de l'environnement, made in Côte d'Or. Torréfacteur de père en fils à Longwy, découvrez les saveurs d'un café adoubé par les plus grands chefs de la région. Le Petit Bourguignon, café bio de caractère, à découvrir en épicerie fine ou dans votre grande surface. Grand frais. Oui bonjour, je devais arbitrer la demi-finale de la Coupe du Monde, mais je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont du boudin noir, nature, aux pommes ou aux châtaignes, j'en ai déjà l'eau à la bouche moi. Mais je jetterai un coup d'œil sur le match de Pimentel, puis si je vois une faute, ben je vous appelle, hein, on fait ça. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, le boudin noir est à 8,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais ! Le meilleur marché. Élaboré en France à partir de porc Origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Direct Assurance, avec l'assurance auto-connectée, faites jusqu'à 50% d'économies en conduisant mieux ou moins. Direct Assurance. Bien assuré, direct réglé. En ce moment, le filet de bœuf est à 12,99€. Oh, oh non mais ah, oh, c'est pas parce que c'est direct réglé qu'on doit direct changer de pub, hein. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées, conditions et exclusions du contrat U-Drive sur direct-assurance.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Allô ? Vous m'entendez ? Pas très bien. Désolée. Ce matin, j'étais pas réveillée. J'ai trempé mon téléphone dans le café et de... D'accord. Alors, je vous conseille plutôt d'essayer un croissant. Du 17 au 22 octobre, le lot de 10 croissants pur beurre 3 meuniers de 440 grammes est à 2,80€ chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 6,36€ le kilo, transformé en France, sauf fabrication en magasin. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Brrr, ça se refroidit, on dirait. Alors écoutez. Avec les professionnels du gaz, profitez de la rentrée du chauffage et des remises exceptionnelles sur les équipements gaz du 1er octobre au 30 novembre. La pompe à chaleur hybride, idéale pour allier confort et économie d'énergie. En plus, c'est éligible aux aides de l'État. Je peux y aller. Rendez-vous sur rentreduchauffage.fr. Parce que faire des économies, c'est important toute l'année, les hyper bons plans chez Cora, c'est toute l'année aussi. Et ce n'est pas cette semaine qu'on va faire exception. Par exemple, du 17 au 23 octobre, vous bénéficiez de moins 50% sur le deuxième produit de la gamme Volvic. Rendez-vous en magasin pour en profiter. Offre valable sur les moins chers des deux, hors format promo, voire conditions sur Cora.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cora, C'est incroyable, l'hyperproximité. Oui, dis-moi, je suis en réunion là. Ouais, Mams, tu peux baisser le chauffage du salon? Parce que tu peux pas le faire. Bah ça va, je croyais que c'était toi qui pouvais contrôler absolument tous les radiateurs à distance. Avec le service gratuit Mon Pilotage Élec d'Engie, pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce directement depuis votre application. Nos clients Mon Pilotage Élec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir détails sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est si bon. Charolaise. Partenaise. À la bolognaise. À la bordelaise. À la béarnaise. À l'orléanaise. À la marseillaise. À la rochelaise. À la basquaise. À la bastiaise. À la castraise. À la piémontaise. À la saintongeaise. À la lyonnaise. À la landaise. À la mayonnaise. À la nivernaise. Façon Thérèse. À l'antillaise. À la fournaise. À la française. À l'aise. Chaud comme la braise. Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Il y en a pour toutes les bouches. Oui. Je dois imprimer mes supports de formation en A4 et A3. T'as une idée? Va chez Bureau Vallée. L'imprimante Brother avec sa tête d'impression Maxi Drive brevetée ultra rapide est faite pour les petites entreprises et les groupes de travail comme toi. Elle est à 159,90€ au lieu de 219€. Et Brother te rembourse jusqu'à 40€ en différé. Tu ne voudrais pas me former à tous tes bons plans? Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Valable du 9 au 21 octobre sur l'imprimante multifonction jet d'encre Brother J5342.